Saviez-vous qu'il y a 800 000 ans, si vous suiviez votre boussole sans cesse vers le nord, vous auriez atteint l'Antarctique, soit notre sud actuel. En 4 milliards et demi d'années, le nord n'a pas toujours été le nord, ni le sud. Le sud, des retournements des pôles magnétiques se produisent de façon régulière du fait de la structure du noyau métallique de notre planète. La périodicité moyenne est d'environ 100 000 ans entre deux retournements. Puisque la dernière a eu donc lieu il y a 780 000 ans, nous sommes très en retard sur le programme. Cela veut-il dire que le prochain grand retournement est sur le point de se produire? Rien n'est moins sûr. Pôle magnétique, le grand retournement, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous servir de boussole au cours de cette émission, nos deux guides sont Jean-Pierre Vallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes géophysicien spécialiste de l'histoire du champ magnétique terrestre et directeur de recherche CNRS à l'Institut de physique du globe de Paris. Et Julien Aubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS à l'IPGP également, directeur de l'équipe dynamique des fluides géologiques. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture ainsi que en vous abonnant à notre compte Twitter @laméthodefc. Alors, on va commencer tout de suite par nous débarrasser de la question qui fâche. Est-ce que nous sommes vraiment à la veille d'un retournement des pôles magnétiques, Jean-Pierre Vallet? Alors, on peut y répondre de différentes façons, soit en essayant de produire des modèles statistiques en fonction de ce qu'on sait du passé, ou même en fonction de ce qu'on croit connaître des mouvements du fluide conducteur à l'intérieur du noyau qui est à l'origine du champ magnétique terrestre. Pour ma part, je vais me concentrer sur ce que nous apprend le passé, et puis Julien répondra plus avant en ce qui concerne la dynamo elle-même, le comportement de la dynamo. Si on regarde l'évolution du champ magnétique dans le passé et qu'on essaie de retracer son intensité, c'est tout le travail du paléomagnétisme, cette science qui consiste à essayer de retracer l'évolution du champ magnétique au cours des temps géologiques. Ce qui est votre domaine de recherche par ailleurs. Ce qui est mon domaine de recherche privilégié. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, la variabilité du champ est énorme et que ce champ croît, décroît, avec sans périodicité apparente, mais en tout cas avec une irrégularité qui fait qu'il est effectivement très difficile à prévoir, et en particulier de prévoir son évolution. L'autre caractéristique, c'est que la valeur de l'intensité du moment dipolaire, du moment du champ actuel, on va dire, son intensité, donc champ magnétique, la force du champ magnétique en ce moment, Est de 8, 10 puissance 22 ampères mètre carré. Pour produire une inversion, il faudrait réussir à avoir une intensité aussi faible que, disons, 2, 1,5, peut-être même encore moins, 10 puissance 22 ampères mètre carré. Ce qui veut dire qu'on est très très loin des conditions requises pour produire une inversion. Alors, effectivement, il se trouve que l'intensité du champ diminue depuis maintenant 1000 à 1500 ans, avec une vitesse qui semble varier en fonction des âges. Et que c'est à partir de cette diminution de l'intensité du champ qu'on peut faire l'hypothèse qu'on se dirigerait vers une inversion. Mais encore une fois, lorsqu'on regarde les courbes d'évolution de l'intensité de ce champ dans le passé et qu'on intègre des données actuelles, on se rend compte qu'on n'est pas du tout sorti de la variabilité naturelle. Le problème majeur, Julien Aubert, pour supposer une inversion du champ, c'est toujours un problème d'échelle, c'est-à-dire l'échelle à laquelle nous sommes en train de regarder par rapport aux échelles géologiques des 4 milliards et demi d'années terrestres. C'est toujours évidemment, nous, ce qui nous paraît des fluctuations petites sont des fluctuations très importantes à l'échelle de la planète. Et inversement. Oui, tout à fait. Alors, le problème que vous posez, c'est un petit peu celui de l'horizon de prédictibilité. En fait, c'est la même chose que les 5 jours de la météo. C'est lié à la nature non linéaire, comme on dit en physique, du système qui régit la génération du champ magnétique terrestre. Il y a un effet papillon, une sensibilité aux conditions initiales. Donc on peut partir de deux états très proches et puis diverger complètement. Donc cet effet papillon, il a été quantifié de plusieurs manières, dépendant de la complexité du modèle qu'on emploie pour essayer de prédire. Si on prend une simulation informatique de la géodynamo qui produit ce champ complète, on a à peu près une centaine d'années d'horizon de prédictibilité. Si on prend un modèle beaucoup plus simple, on peut arriver à 40 000 ans et avoir un petit peu un système de prévision, de early warning, comme on dit, un petit peu comme pour les tremblements de terre ou les tsunamis, On peut, c'est d'ailleurs une étude qui a été faite à l'IPGP récemment par nos collègues. Je pense qu'on va en entendre parler. On en parlera. C'est l'objet du reportage tout à l'heure. Donc ça permet effectivement de dire que peut-être il ne se passera rien dans les 5000 ans à venir. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on n'a pas trop simplifié le système ? Puisque plus on complexifie, plus l'horizon de prévision, de prédictibilité tombe. Se réduit, oui. Et donc, la question, c'est quel est le degré de complexité qui va tout capturer ? Et ça, je crois qu'on ne peut pas encore le dire. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, comment est créé ce champ magnétique, pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'anticiper ces évolutions à moyen ou à long terme, puisque, comme vous venez de le dire, Julien Aubert, on peut anticiper à très court terme avec une assez fine précision. Peut-être faut-il commencer par expliquer comment fonctionne ce pôle magnétique, peut-être rappeler simplement, Jean-Pierre Vallet, qu'il n'y a pas que la Terre qui a un champ magnétique dans le système solaire. Oui, il y a d'autres planètes, mais enfin, dans les planètes, disons, analogues à la Terre, Mars, effectivement, a eu un champ, puisqu'on ne trouve que des traces fossiles de ce champ, en quelque sorte. On a en particulier des bandes d'anomalies magnétiques à la surface de Mars qui sont la preuve vivante que non seulement il y a eu un champ, mais que probablement ce champ s'est renversé au moment où il était actif. Vénus n'a pas de champ. Les autres planètes, qui sont des planètes gazeuses, genre Jupiter, etc., sont des planètes. Jupiter a un champ qui est très important, mais les mécanismes sont fondamentalement relativement différents de ceux qu'on a à l'intérieur de la Terre. Donc, même si on peut faire des analogies, elles restent relativement limitées. Ce que vous dites quand vous rappelez que Mars a eu un champ magnétique, ce qu'il faut rappeler, c'est peut-être, Julien Aubert, que le champ magnétique, sans champ magnétique, nous ne serions pas là pour en parler. Vraisemblablement. Oui, enfin, ça peut être débattu. Parce que l'absence de champ magnétique, c'est une augmentation de l'impact des rayonnements issus du vent solaire qui sont émis par le soleil. Donc potentiellement plus de aussi une destruction de la couche d'ozone. Donc plus de rayonnements ionisants, plus d'ultraviolet. Donc probablement plus de cancers. Maintenant, je pense qu'il faut rappeler que l'humanité est très très forte pour introduire tout un tas de cancérogènes dans la nature elle-même. Donc, l'effet du champ magnétique, c'est peut-être pas, comment dire, sur la biosphère. C'est quelque chose qui est intéressant d'un point de vue fondamental, mais peut-être d'un point de vue pratique, c'est surtout l'effet sur les activités technologiques humaines du champ magnétique qui est important, parce qu'aujourd'hui, nos activités sont tellement dépendantes de notre maîtrise du phénomène électromagnétique que le moindre orage magnétique, c'est-à-dire une bouffée de vent solaire qui arrive à plusieurs centaines de kilomètres par seconde depuis le Soleil et qui nous atteint et qui donc provoque une perturbation du système de courant de la magnétosphère, ça c'est beaucoup plus comment dire, compliqué pour l'opération des satellites, pour l'opération du GPS, pour les infrastructures conductrices à grande échelle aussi. Tout ce qui est infrastructure conductrice à grande échelle, il va y avoir des courants induits là-dedans, dont l'augmentation d'intensité va finir par créer des problèmes. Donc tout ça, finalement, c'est les questions auxquelles aujourd'hui nous sommes confrontés et qui sont peut-être finalement plus importante d'un point de vue sociétal. Mais tout de même, peut-être Jean-Pierre Vallet, hein, le champ magnétique, on suppose que s'il n'y avait pas eu de champ magnétique, les conditions d'apparition de la vie auraient peut-être été plus complexes, voire discutées. On sous-tend souvent en planétologie que le champ magnétique est quand même un prérequis à la protection et la possibilité de l'apparition de la vie sur une planète, ou c'est complètement faux ? Alors là, je ne pourrais pas vous répondre directement, parce que je ne suis pas moi-même biologiste, mais ce n'est pas le champ magnétique lui-même qui nous protège des... Les principaux engagements du champ, c'est plus lié à des effets de rayonnement ionisant. Or, ces rayonnements ionisants, c'est plus l'atmosphère qui nous en protège, parce qu'en fait, ils proviennent des émissions en provenance du cosmos et puis du Soleil aussi, qui nous bombardent de protons et de particules alpha et diverses. Et ces rayonnements, en fait, ces protons, par exemple, vont se combiner avec d'autres atomes dans l'atmosphère. Plus le champ est faible, plus ils auront la propriété de pénétrer dans les basses couches de l'atmosphère et donc de se combiner avec d'autres atomes. Et finalement, il y en a relativement très peu qui vont atteindre la Terre. Et même en l'absence de de champs, il y en aura toujours qui atteindront, bien sûr, en particulier les rendements galactiques qui sont les plus puissants. Mais de là à penser que ça pourrait empêcher le développement, c'est certainement un facteur inhibant, bien sûr. Mais c'est pas certain que ça puisse... L'atmosphère est notre principal protecteur. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure à propos des perturbations, on se souvient tous, par exemple, je pense que c'est important d'en parler parce que le danger n'est pas complètement écarté dans notre civilisation moderne, on se souvient tous, par exemple, de cette panne d'électricité gigantesque qui a eu lieu en 1989 au Québec. Absolument. Qui a plongé le Québec pendant 10 heures dans l'obscurité totale. Et donc, il y a des tas de programmes... Les pays civilisés ont quand même une, en particulier ceux qui sont à des latitudes suffisamment élevées, ces pays-là ont quand même développé des programmes de correction, de protection, en particulier les États-Unis d'ailleurs, parce que le réseau de transformateurs, vous savez, c'est des effets boule de neige, et il suffit que des courants induits commencent à déclencher des pannes sur un réseau de transformateurs et ça peut se propager à l'ensemble du pays. Il y a même des gens qui sont amusés à modéliser et à calculer évidemment l'effet gigantesque que ça pourrait avoir, et il n'est pas complètement impossible qu'on puisse imaginer une coupure totale liée à une très grosse éruption solaire. On reviendra sur les éventuelles conséquences d'un affaiblissement du champ magnétique terrestre suite à un retournement ou une excursion. On en reparlera tout à l'heure. Peut-être faut-il rappeler ce qui se passe exactement, puisqu'on parlait des différentes planètes du système solaire. Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Comment il est généré, Julien Aubert, ce champ magnétique? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, dans le noyau, pour qu'il y ait un pôle nord et un pôle sud? Alors, déjà, ce qui est rigolo, c'est que finalement, on a commencé l'émission depuis une dizaine de minutes et on n'a pas dit ce que c'était qu'un champ magnétique. C'est ça. Parce que c'est un objet extrêmement familier. Mm. C'est-à-dire que tout le monde a la barre aimantée en tête, tout le monde a fait l'expérience de la limaille de fer. Donc, on voit les lignes de ce champ. Donc, qu'est-ce qu'un champ magnétique? C'est la description physique des forces qui s'exercent sur et sont aussi exercées par les charges électriques en mouvement. C'est aussi une propriété de la matière, dans le sens où ça peut s'organiser au niveau atomique et devenir une propriété qui d'ailleurs est à l'origine du paléomagnétisme, c'est-à-dire le magnétisme piégé dans les roches. Dans le noyau de la Terre, on a justement des charges électriques en mouvement. Un fluide conducteur, essentiellement du fer et du nickel, animé de mouvements de convection parce que la Terre se refroidit. La Terre se refroidissant, cette convection crée des mouvements qui sont dans un champ magnétique préexistant. Ça va être un problème de poulet d'œuf. Donc, on imagine un champ magnétique préexistant. Ces mouvements de conducteurs induits provoquent des courants électriques dans ce champ magnétique. Et si ces courants électriques s'organisent correctement, ils vont eux-mêmes être à l'origine d'un champ magnétique qui, si tout se passe bien, renforcera le préexistant. C'est l'histoire de poulet d'œuf. Et c'est comme ça que c'est le paradigme actuel qu'on a pour la génération du champ magnétique de la Terre et d'un certain nombre de planètes du système solaire. C'est très chaotique, très dépendant du temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le dipôle magnétique, c'est-à-dire l'axe de la composante principale du champ magnétique qui sort et qui rentre dans la Terre, parce que le champ magnétique ne peut pas être monopolaire, il doit être au moins dipolaire, donc avec un endroit où ça sort et un endroit où ça rentre, cet axe n'arrête pas de bouger. Il bouge à plusieurs dizaines de kilomètres par an. Actuellement, je crois qu'il remonte vers le nord, me semble-t-il, aux dernières nouvelles. Vers la Russie. Il a fait un petit détour par la Russie. Effectivement, il faut d'ailleurs réactualiser en permanence. C'est important pour les systèmes de navigation. L'exact endroit du pôle nord magnétique qui bouge. Et justement, c'est ce problème de la navigation, c'est ce qui a été à l'origine de l'observation la plus ancienne de la variabilité du champ magnétique, qui a été faite par Halley à la fin des années 1690. Où justement le problème était de comprendre pourquoi les lignes diagonales, c'est-à-dire les lignes dans lesquelles la boussole indique exactement le nord géographique, donc on aligne le nord magnétique avec le nord géographique, ça ne se passe qu'à certains endroits du globe, et ces lignes bougent vers l'ouest. Et c'est ce qu'on appelle la dérive géomagnétique vers l'ouest, et c'est cette dérive qui finalement a été un des premiers blocs montrant la variabilité du champ magnétique terrestre, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas prendre le modèle d'un aimant permanent, puisque ça bouge. Et on va vous renvoyer vers l'émission que nous avions consacrée justement à la structure du noyau et du manteau terrestre où on expliquait ça. On avait passé une heure à comprendre et à se comprendre ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire ce problème de la poule ou de l'œuf, de savoir est-ce que le champ magnétique préexiste ou est-ce qu'il a été allumé à un moment donné, ce qui est encore pour le moment, vous le confirmez, Julien Aubert, un vrai domaine de recherche auquel on n'a pas de réponse. On ne sait pas si... Disons que l'accord des simulations qui sont des simulations numériques, donc simulations dans des ordinateurs, des équations de la physique qui sont basées sur les principes que je viens d'énoncer. Cet accord de ces simulations avec les observations est aujourd'hui tel que ce qui reste pour certains une croyance, le reste vraiment pour une extrême minorité. C'est un paradigme complètement accepté. Alors, peut-être une question, du coup, puisque on a comparé, vous venez de le faire, ce champ magnétique à un dipôle. Les dipôles, c'est effectivement les tests qu'on fait, comme vous l'avez dit, avec de la limaille de fer dès le collège, je crois. Un dipôle, c'est un pôle nord, un pôle sud, et puis ça, c'est extrêmement stable. Pourquoi, Jean-Pierre Vallet, ce dipôle terrestre est mouvant? Qu'est-ce qui se passe? Il est mouvant parce que, en fait, comme Julien vient de l'expliquer, il est entretenu par les mouvements d'un fluide conducteur à l'intérieur du noyau, qui est un fluide qui bouge rapidement, et qui donc, forcément, c'est en fait, on faire une description en comparant avec l'atmosphère, par exemple. En fait, on a des cyclones de convection avec lesquels on peut faire l'analogie des cyclones atmosphériques. Et suivant la distribution de ces cyclones et les mouvements, forcément, le champ va pouvoir exister dans un sens ou dans un autre. En fait, lorsqu'on regarde les équations qui caractérisent l'évolution du champ, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune raison que le champ soit dirigé dans le sens, on va dire, positif, plutôt que dans le sens négatif. Alors, pour en revenir au dipôle lui-même, le dipôle représente en gros, comme Julien l'a dit, 90% à peu près du champ terrestre. Et puis les 10% restants sont en fait constitués de ce qu'on appelle la partie non dipolaire du champ, qui est en fait une partie multipolaire, qui est beaucoup plus compliquée que le dipôle, qui est caractérisé par un pôle nord et un pôle sud. Alors que la partie multipolaire, comme son nom l'indique, a des pôles un peu partout à la surface de la Terre. Et non seulement donc sa géographie est très complexe, mais en plus de ça, son évolution temporelle est très rapide, beaucoup plus rapide que celle du dipôle. Et donc, la caractéristique et la chance que l'on a lorsqu'on étudie le champ magnétique terrestre dans le passé, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que si on moyenne l'évolution du champ sur une période de plus de quelques milliers d'années, eh bien la partie non dipolaire disparaît, s'annule, elle tend vers zéro. Enfin, elle est égale à zéro en quelque sorte. Sa contribution devient nulle. Et donc, dans ce cas, le dipôle, le champ magnétique terrestre va se résumer à un seul dipôle qui sera axé le long de l'axe de rotation de la Terre et en plus centré sur le centre de la Terre. Donc ça simplifie considérablement les choses parce que non seulement on a un champ qui est le plus simple possible, mais en plus de ça, on a aussi un repère géographique puisque il se trouve que dans ce cas de figure, le pôle nord et le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique sont confondus. Est-ce que ça veut dire, Julien Aubert, qu'il faut faire fi quand on travaille précisément sur ces questions de champ magnétique, de mouvement du champ magnétique, il faut faire fi de cette partie multipolaire du champ magnétique terrestre, il faut la laisser de côté, il faut la supprimer des modèles? Disons que c'est une hypothèse qui est utile pour faire des reconstructions paléomagnétiques du passé, hypothèse aussi très utile pour regarder comment les plaques tectoniques se sont déplacées, parce que c'est quand même les reconstructions de déplacement des plaques tectoniques sont basées sur cette hypothèse dite du dipôle axial centré que Jean-Pierre vient de rappeler. Maintenant, pour les renversements du champ magnétique, malheureusement, on peut pas s'en passer de ces multipôles, parce que c'est ce qui va rester quand on sera au milieu d'une inversion. Et c'est probablement là où l'énergie va faire un petit transit dans son chemin d'une polarité vers une autre polarité. Et ça repose la question qu'on a un petit peu évoquée au début de l'émission, de la dimensionnalité, c'est-à-dire combien de modes, combien de pôles, dipôles, multipôles, donc dipôles, quadrupôles, ainsi de suite, je dois garder dans ma modélisation de façon à capturer les caractéristiques essentielles d'une inversion. Donc non, on ne peut pas les oublier, il faut les garder, surtout pendant les inversions. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons des pôles magnétiques de notre planète Terre en compagnie de Jean-Pierre Vallet et de Julien Aubert, tous deux chercheurs à l'Institut de physique du globe de Paris. À partir de quel moment a-t-on commencé à comprendre, à se rendre compte que le Nord n'avait pas toujours été le Nord et que ces pôles magnétiques s'étaient inversés au cours de l'histoire de notre planète, Jean-Pierre Vallet? Alors, la première personne à avoir découvert réellement l'inversion géomagnétique, c'est Bernard Bruns, c'est un Français. Et Bernard Bruns travaillait à l'Institut de physique du globe de Clermont-Ferrand. Enfin, à l'époque, d'ailleurs, ce n'était pas vraiment l'Institut de physique du globe, c'est peu importe. Mm-hmm. Et il s'est... Comment a-t-il découvert ça? Eh bien, il s'est servi de l'aimantation de sédiments et de l'aimantation de roches volcaniques. Et il s'est rendu compte qu'en fait, près d'un petit village qui s'appelle Pontfarin, il y avait des coulées volcaniques superposées qui étaient aimantées en sens inverse. En gros, il y en a une qui pointait vers le nord et la coulée du dessus pointait vers le sud géographique. Comme il n'avait absolument aucune raison de penser que l'aimantation avait été altérée ou abîmée par quelque processus chimique imaginable, il en a déduit que probablement on avait là l'évidence que le champ magnétique terrestre était effectivement renversé. Et alors il a étayé sa démonstration en échantillonnant une couche d'argile qui se trouvait sous une des coulées. Et il s'est rendu compte que la couche d'argile qui avait effectivement été réchauffée par la coulée lors de son installation, cette couche d'argile pointait dans la même direction que la coulée qui se trouvait juste au-dessus. Et donc là, c'était la preuve manifeste qu'effectivement, ce n'était pas du tout un artefact et que ce qu'il observait, c'était effectivement une inversion géomagnétique enregistrée par les roches. Alors, peut-être avant de voir et de retracer un peu l'histoire de notre planète en matière d'inversion de pôle magnétique, comment est-ce qu'aujourd'hui, sur les traces de Bernard Bruns, est-ce que l'on observe aujourd'hui, on quantifie précisément grâce à quels outils on peut déterminer l'histoire magnétique de notre planète, Julien Aubert? Ce serait plutôt une question pour Jean-Pierre. Jean-Pierre Vallée, si vous voulez, qui est le spécialiste incontesté. Jean-Pierre Vallée, oui, puisque c'est vous le paléomagnéticien. Comme on en a parlé précédemment, on utilise toujours l'aimantation des roches. Alors, on a deux types de roches. Il y a effectivement l'aimantation portée par les roches volcaniques et puis l'aimantation portée par les sédiments. Et chaque type de roche a des avantages et des inconvénients. Les roches volcaniques enregistrent avec une très grande fidélité parce qu'elles contiennent beaucoup d'oxydes magnétiques qui se mettent en place suivant des processus, enfin qui acquièrent leur alimentation suivant des processus que l'on maîtrise parfaitement et que l'on connaît très bien. Et donc ces coulées volcaniques sont un enregistreur fidèle. Mais elles sont liées au caractère sporadique des émissions de coulées de lave. Donc on a une très mauvaise idée de leur chronologie, à moins évidemment d'appliquer des méthodes de datation qui, elles-mêmes, lorsqu'on s'aventure dans des périodes un peu reculées, ont une marge d'erreur qui n'est pas négligeable. Les sédiments, eux, c'est l'inverse. Ils sont beaucoup moins aimantés, portent une aimantation dont on a du mal à connaître ou à maîtriser les processus d'acquisition. Mais par contre, ils sont déposés en continu au fond des océans ou au fond des lacs. Et donc, on a une succession temporelle parfaite de l'évolution du champ. Et une grande précision de datation. Alors, on a une bonne précision de datation. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, la résolution de l'enregistrement de nos données va dépendre évidemment de la vitesse à laquelle le sédiment s'accumule au fond de l'océan. Typiquement, pour vous donner une idée, un sédiment qui se trouve très loin des côtes, au milieu de l'océan, va s'accumuler avec des taux de 1 mm à 2 mm par mille ans. Si on se rapproche des côtes, on va passer à des taux de l'ordre de 4-5 cm. Et si on est dans des régions propices à des taux de sédimentation importantes, c'est-à-dire très proche des côtes, par exemple, ou des rivières, des débouchés de rivières, eh bien, on va trouver des taux de sédimentation qui peuvent monter à 10 cm par mille ans. Alors on voit tout de suite l'ambiguïté qu'on va avoir parce qu'il faut choisir les séquences en fonction de ce qu'on veut regarder. Évidemment, si on veut regarder une évolution du champ à très long terme, on va choisir des séquences avec une résolution relativement faible. Si on veut regarder des séquences comme par exemple le processus d'une inversion, eh bien là on va être obligé de se concentrer sur des séquences qui ont des taux de sédimentation très élevés et qui sont malheureusement très rares. Et qui en plus peuvent être sujettes à d'autres problèmes parce que qui dit taux de sédimentation élevé dit perturbations potentielles dans la sédimentation qui peuvent affecter l'enregistrement. Donc on est toujours face à cette espèce d'ambiguïté et de compréhension du signal. C'est pour ça qu'en parallèle, il faut effectivement mesurer et puis il faut essayer de mieux comprendre de mieux en mieux la signification réelle de ce que l'on mesure, bien sûr. Il y a un marqueur dont j'aimerais que vous me parliez un peu. C'est un marqueur assez précieux pour comprendre justement cette histoire magnétique de la Terre, le beryllium 10. Pourquoi est-ce que ce marqueur est important? Qu'est-ce qu'il signifie et pourquoi est-ce qu'il est lié précisément de façon très intrinsèque à l'histoire magnétique de notre planète? Alors, le beryllium, en fait, il se forme... D'abord, c'est une technique qui est relativement nouvelle, hein, qui date d'il y a une trentaine d'années, mais qui avait été peu développée au départ, parce qu'en fait, les quantités de beryllium à mesurer sont tellement infimes qu'il faut pour ça disposer d'accélérateurs. Et jusqu'à présent, on disposait de d'un seul accélérateur en France. Maintenant, il se trouve qu'on en a un second, qui est en plus partiellement dédié à l'étude du beryllium, qui se trouve au Cérège, à Aix-en-Provence. Le principe, c'est que lorsque le champ devient très faible, comme on l'a dit tout à l'heure, la pénétration des protons solaires et des protons galactiques est plus importante dans l'atmosphère. Précision, le champ devient faible parce que avant, et on va en parler dans un instant, moment où il y a retournement, quand le champ magnétique est en train de changer, on a oublié de préciser ça. Il diminue en intensité. Voilà, absolument. C'est une des caractéristiques principales de l'inversion, c'est sa diminution d'intensité, qui d'ailleurs va précéder le phénomène du renversement lui-même. Et ça, on y reviendra, voilà. Quand le champ va se renverser, il est très faible. Et pour étudier, par exemple, les inversions à partir du beryllium, ou même pour étudier les fluctuations du champ à partir du beryllium, on va utiliser cette propriété que, qui dit champ faible, dit protection de la magnétosphère affaiblie, et donc pénétration plus importante des rayonnements cosmiques, et en particulier des protons cosmiques galactiques, qui vont se combiner, enfin déclencher des réactions en chaîne, et notamment provoquer la formation d'atomes de beryllium. Autrement dit, lorsque le champ sera plus faible, on va avoir une augmentation de la production de beryllium, et lorsque le champ sera plus fort, une diminution. Ce beryllium ensuite va être intégré dans l'atmosphère. Il va persister au sein de l'atmosphère pendant une année ou deux années. Alors ça, c'est en quelque sorte une malchance, parce qu'on aurait pu penser que si ce beryllium retombait très brutalement, comme la pénétration des protons est plus forte au pôle lorsqu'on a des pôles que lorsqu'on est à l'équateur, on aurait pu penser qu'en fait, en regardant la production de beryllium pendant une inversion à un instant donné, eh bien on aurait pu compter le nombre de pôles, en quelque sorte. Malheureusement, c'est pas possible, parce qu'il se trouve que la production de beryllium, elle est homogénéisée dans l'atmosphère. Et donc, ce qui va tomber dans l'océan et qu'on va finalement récolter dans nos sédiments, eh bien c'est une production homogène, globale, sur la surface de la Terre, mais qui va effectivement bien retracer la variabilité du beryllium liée à l'intensité du champ magnétique. Donc le beryllium va nous permettre de retracer de façon indirecte et complémentaire avec celle de l'intensité d'aimantation, l'évolution de l'intensité du champ magnétique. Alors sur le beryllium, je crois que... Il faut quand même dire qu'il y a des pics de beryllium qui ne sont pas corrélés à des inversions. Il y a des suggestions selon lesquelles l'existence de faiblesses dans la géométrie du champ magnétique serait suffisante pour avoir ce genre de pic, comme on en a une d'ailleurs actuellement sur le champ magnétique terrestre au niveau de l'Atlantique Sud, la fameuse anomalie de l'Atlantique Sud. C'est quand même un marqueur indirect, certes corrélé, mais un petit peu difficile aussi à interpréter et à débrouiller finalement. Jean-Pierre Vallée, allez-y. Oui, non, je disais simplement que cette production de beryllium dont on parle, elle est principalement liée au champ dipolaire. En période de champ dipolaire le champ dipolaire évolue, et c'est son évolution qu'on va regarder. Et c'est pour ça qu'on peut parler de l'évolution du beryllium à l'échelle globale. Effectivement, si on s'intéresse à une anomalie particulière, ça va entraîner dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, des variations dans le taux de beryllium, mais ces variations, comme elles sont homogénéisées par la circulation atmosphérique, finalement, elles vont être homogénéisées à la surface de la Terre. Donc les retombées de beryllium seront les mêmes à peu près partout, ça ne devrait pas changer énormément. On va voir dans quelques minutes ce que ces différents outils, l'étude des couches sédimentaires, des roches volcaniques, mais aussi du beryllium, nous racontent précisément de l'histoire de ces nombreux retournements qui ont lieu tout au long de l'histoire de notre planète. La méthode scientifique, Nicolas Martin. We hurt people that love us, love people that hurt us, hurt people that love us, love people. I'm inspired, so get inspired. And so he said, why you gotta be so kind-hearted? Why you couldn't be a kind artist? Why you couldn't be mischievous or just a little devious the moment that we first started? Why you never asked for nothing, just a little time? Why you let me use yours, cause I don't got mine? Why you always lift me up when I'm completely giving up. And when niggas holler what's up, you give a dry response. Why you giving me your last knowing you ain't got it? Why you always buy me something when you going shopping? Why you tell me that you love me? Why you always thinking of me? Want my company rather than going club hopping? Why you treating my mama like she your mama too? Why you making promises that you'll forever do? Whatever just to make me happy, wanting us to have a family. These are exactly the reasons why I cheat on you sometimes. Why you don't know what you mean to me? Why you always playing games? Why I feel like you ashamed? Hiding public, curse me out and make a scenery. Why you got other bitches rolling their eyes at me? Why text messages popping up saying hi, daddy? Why you treat me like I'm nothing? Why you always at a function? I be wanting to go out, but you'll never ask me. Why you slipping say her name when we having sex? Why you always assuming that I still like my ex? Every time we get into it, I'm the one that's feeling stupid. You don't need me, you gon' leave me, that's your favorite threat. Why you never know how I feel to be lonely? Why I feel I'm the last option after your homies? Why you always gotta know that how I never let you go? Even though you get violent and put your hands on me sometimes. Opposites attraquent, les opposés s'attirent comme les pôles magnétiques dont nous parlons tout au long de cette heure. C'était Kendrick Lamar sur France Culture à 16h32 et nous parlons effectivement tout au long de cette heure des pôles magnétiques de la Terre et de leur retournement au cours de l'histoire et peut-être dans un futur à moyen ou à long terme, on va en parler dans un instant, avec Jean-Pierre Vallet qui est géophysicien spécialiste de l'histoire du champ magnétique terrestre et directeur de recherche CNRS à l'Institut de Physique du Globe de Paris et Julien Aubert qui est chercheur CNRS à l'IPGP également et directeur de l'équipe dynamique des fluides géologiques. On vient de faire un peu un tour hein, pour comprendre d'où vient ce champ magnétique, comment il a été généré et comment on peut le mesurer dans un certain nombre d'indices géologiques. Quelle est l'histoire justement des retournements que nous raconte Jean-Pierre Vallet, ces indices géologiques? Combien de fois a-t-il eu lieu? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on peut remonter jusqu'aux origines de la planète? Sinon jusqu'où? Et qu'est-ce que ça indique de cette histoire magnétique de notre planète? Alors l'inversion effectivement est une caractéristique, j'allais dire, essentielle et principale du champ magnétique. Elle régit son évolution en permanence. Pour répondre directement à la question en termes de nombre de renversements comptés jusqu'à présent, là je n'ai pas de réponse directe. Par contre, ce que je peux vous indiquer, c'est que si on regarde les 160 derniers millions d'années, alors pourquoi je me focalise sur cette période? C'est parce que durant ces 160 derniers millions d'années, la succession des enregistrements et des changements de polarité, donc comme on l'appelle, a été enregistrée par l'aimantation du plancher océanique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le plancher océanique s'épanche de part et d'autre de ces fameuses dorsales qui génèrent du magma, ce magma s'aimante et donc forcément, comme il s'étale de part et d'autre de la dorsale, il va enregistrer les renversements du champ. Donc si on compte le nombre d'inversions lors de ces 160 derniers millions d'années, parce qu'au-delà de 160 derniers millions d'années, il se trouve que le plancher océanique est absorbé dans les zones de subduction et donc on n'a plus trace de ce vieux plancher, eh bien lorsqu'on dénombre le nombre d'inversions, on s'aperçoit qu'il y en a à peu près 300 répertoriés. En fait, c'est un chiffre qui se traduit pas vraiment en termes de fréquence, parce que là, on se rend compte que la succession de ces inversions est très irrégulière. Il y a des périodes pendant lesquelles on va en avoir presque une dizaine par million d'années, et il y a des périodes pendant lesquelles on en aura une ou deux, voire pas du tout. La période la plus proche de nous, qui est la période dite du Crétacé, entre 85 millions d'années et 115 millions d'années, il ne s'est produit aucune inversion, zéro. Et ça, c'est pendant le règne des dinosaures, donc. Pas d'inversion chez les dinos. Pas d'inversion chez les dinos. En fait, les dinos, c'était quand même... Oui, la fin, c'est le Crétacé, en tout cas. Oui, absolument. Enfin, en 65. À part les oiseaux, on va parler de l'histoire des dinosaures, on l'a suffisamment fait ici. Et donc, c'est encore une propriété importante du champ, parce qu'évidemment, là-dessus, il y a deux hypothèses possibles. Est-ce que c'est une caractéristique intrinsèque du fonctionnement du champ que d'avoir des périodes à forte fréquence et des périodes sans aucune inversion? Ou est-ce qu'au contraire, c'est lié à des interactions, par exemple, entre les conditions limites, par exemple, des interactions entre le manteau, les mouvements du manteau inférieur, et puis les mouvements du noyau qui interagissent forcément au travers d'une couche qu'on appelle la frontière noyau-manteau, et qui pourraient, suivant les conditions thermiques qui règnent à certaines époques, moduler en quelque sorte l'évolution, le nombre des inversions. Donc voilà, on ne peut pas parler de périodicité. Il y a énormément d'inversions, mais sans aucun caractère régulier. Julien Aubert, sur cette histoire magnétique de notre planète, on sait aujourd'hui, on connaît, même si effectivement on ne peut pas aboutir à une périodicité, comme vient de l'expliquer Jean-Pierre Vallet, néanmoins on connaît relativement bien ce qu'il se produit pendant une inversion. Une inversion de pôle, ça n'est pas un phénomène régulier, c'est un phénomène qui vient par à-coup, et bon, ça on a réussi relativement bien à le cartographier. Oui, on a réussi à le cartographier d'une part au travers donc d'études fines avec une bonne résolution, comme le disait Jean-Pierre, qui tendent à montrer que le déroulé d'une inversion est un petit peu toujours le même. C'est-à-dire, en quoi ça consiste? D'abord, on a un affaiblissement du champ magnétique, un passage vers les multipôles. Et ce qui est important surtout, c'est qu'on a une résurgence de la polarité opposée, et souvent un petit saut au-delà un petit peu de ce qu'on appelle un overshoot, quelque chose qui est un petit peu plus fort et qui revient à la polarité opposée. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant, parce que ça a été observé aussi dans une expérience dynamo qui est française, qui s'appelle l'expérience VKS, qui est une expérience dans laquelle, dans un cylindre mis en mouvement par des disques contrarotatifs, on a pu générer donc une dynamo auto-entretenue en y injectant de la puissance mécanique et en générant un champ magnétique. VKS pour von Karman sodium. Pour von Karman sodium, von Karman étant la structure de l'écoulement. Cette structure de l'inversion a été vue avec une similarité assez frappante finalement. Avec les inversions telles qu'elles ont été enregistrées par le paléomagnétisme. Et cette structure est une signature justement de cette dynamique de basse dimensionnalité dont on a parlé au début de l'émission, faisant intervenir peu de modes magnétiques entre eux. Donc peut-être la clé justement, la combinaison de ces deux choses, donc de l'observation et puis de cette expérience, ainsi qu'une des modélisations numériques plus ou moins compliquées, converge quand même vers l'idée selon laquelle l'inversion finalement n'aurait pas besoin de tant de détails pour être reproduite. On aboutit à un schéma résumé qui est évidemment un schéma synthétique que j'ai sous les yeux. C'est un schéma en trois phases, Jean-Pierre Vallet. C'est-à-dire que d'abord, on arrive à... Vous pouvez nous décrire ce schéma auquel on va le mettre sur le fil Twitter, évidemment. Oui, vous pouvez peut-être nous le décrire, parce que c'est un peu le schéma type d'un renversement polaire. Hein, oui, c'est ça. En fait, polarité. C'est ce qu'on croit voir en compilant toutes les données dont on dispose à l'heure actuelle, et en particulier des données volcaniques, parce que même si on n'a pas de repères chronologiques précis, ce sont les données les plus fiables. Et on s'aperçoit, lorsqu'on met toutes ces données les unes sur les autres, en fait, qu'effectivement, il y aurait trois phases. Une première phase qu'on a appelée précurseur, qui est une phase pendant laquelle on a l'impression que le champ a envie de se renverser, mais qui n'y parvient pas. Et en fait, cette phase, elle ressemble en quelque sorte à ce qu'on... On n'a pas parlé des excursions, mais il y a, en dehors des inversions, il y a beaucoup d'excursions, il y a même plus d'excursions qui se sont produites. Les excursions, qu'est-ce que c'est? C'est une période pendant laquelle le champ a en quelque sorte envie de se renverser, n'y parvient pas et revient donc à la polarité initiale. C'est-à-dire que concrètement, physiquement, le champ magnétique descend vers les équateurs. Hein. C'est ça, exactement. Le pôle, si on traduit ça en termes de position du pôle, le pôle migre vers l'équateur, mais alors quelquefois même beaucoup plus loin, et puis revient à la polarité, à sa position initiale. Et ces excursions, il y en a apparemment plus que des inversions même. Et la grande question, c'est est-ce que les processus qu'il y a derrière sont les mêmes que ceux qu'on a dans les inversions? Si ce sont les mêmes, alors ça change relativement pas mal notre vision, disons, de l'analyse des inversions d'un point de vue statistique. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que le phénomène est, en fait, en quelque sorte, probablement beaucoup plus régulier qu'on l'imagine. Mais la question reste ouverte. Donc, alors, la première phase précurseur. Deuxième phase, alors, qui dure, en gros, semble durer 2-3 000 ans, avec les incertitudes qu'on en a derrière ces âges, ces estimations. Deuxième phase, le renversement lui-même, qui, lui, se fait apparemment très rapidement. On parle d'une centaine d'années. On parle d'une centaine d'années, je pense. J'irai pas quand même en deçà, mais probablement de l'ordre du millier d'années, de quelques centaines d'années, voilà. Ce qui est très rapide à l'échelle géologique, c'est vraiment... Absolument, on pourrait même dire instantané à l'échelle géologique. Ouais. Et puis, et dernière phase, qui ressemble à la première, en fait, qu'on appelle le rebond, parce que ça, c'est le champ a, en quelque sorte, envie de revenir à nouveau à sa polarité initiale, mais n'y parvient pas et reste dans... achève le renversement lui-même. Alors, il se trouve que les deux premières phases... toutes ces phases sont probablement dominées par un champ qui est compliqué, multipolaire, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle on ne les voit pas systématiquement. La phase précurseur et la phase rebond, on ne les voit pas systématiquement parce qu'en fait, lorsqu'on regarde par analogie le champ non dipolaire actuel, on se rend compte que si on faisait la même opération que pour l'étude des inversions, c'est-à-dire qu'on regarde la position du pôle à différents endroits, la complexité de ce champ est telle qu'il y a des endroits où, en fait, on va avoir une direction qui sera analogue ou quasi proche de la direction du champ en polarité normale ou en polarité inverse, c'est-à-dire sans... Et donc, ça explique pourquoi il y a certains endroits où, en fait, en raison de cette complexité, le champ multipolaire ne va pas nous permettre d'identifier soit la phase précurseur, soit le rebond. Alors ça, c'est pour effectivement l'analyse aujourd'hui du modèle que l'on a et de la compréhension du modèle de renversement, d'inversion des pôles magnétiques. Reste à savoir, et on revient à ce que nous disions au début de cette émission, reste à pouvoir le prévoir, puisqu'on l'a entendu, hein, la diminution, la baisse de l'intensité du champ magnétique aujourd'hui dans notre civilisation technologique et compte tenu de tout ce que nous avons envoyé dans notre stratosphère et au-delà, ça a une importance et ça peut avoir des conséquences. Donc, comment faire pour comprendre ce qui nous arrive, ce qui va arriver? Comment faire pour prévoir les futures inversions? Il est essentiel d'obtenir des modèles et d'aboutir à des modèles précis. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé essayer de comprendre justement comment on construit ces modèles pour ne pas complètement perdre le nord. Oui, j'ai gardé le cap direction l'IPGP pour aller voir Alexandre Fournier, votre collègue. Il est professeur de géophysique et chercheur dans l'équipe de géomagnétisme. Et avec ses collègues, il a conçu l'an dernier un modèle simplifié qui devrait aider à prévoir l'inversion des pôles magnétiques. Alors l'idée, c'est de modéliser le phénomène qui est très complexe à partir de seulement 3 variables. Alors ça paraît réducteur, mais pour en tester l'efficacité, ils ont fait tourner une simulation sur les 2 derniers millions d'années et sont parvenus à identifier les 6 inversions qui ont réellement eu lieu dans cette période. Le modèle numérique semble donc bien marcher, mais le plus dur reste à prévoir, ce qu'il se passera dans les prochains milliers d'années. Une autre démarche qu'on peut avoir pour essayer d'étudier les inversions du champ magnétique terrestre, c'est une démarche où on va décrire la dynamo, non pas par un système qui possède des millions de variables ou des millions de degrés de liberté, mais au contraire par un nombre assez réduit de degrés de liberté. 3. Un degré qui est associé donc au dipôle. Donc le dipôle, c'est la composante du champ magnétique qui change de signe quand la polarité du champ magnétique s'inverse. La seconde composante, c'est tout ce qui est champ non-dipôle, donc le complémentaire. Et la troisième composante dans ce modèle de basse dimensionnalité, c'est une variable qui rend compte de l'écoulement dans le noyau, donc qui entretient la dynamo. En simplifiant à ce point-là un phénomène assez complexe, qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir comme information sur la prédictibilité d'une inversion, enfin en tout cas la prochaine? Alors la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on peut, avec cette représentation simplifiée, décrire les conditions macroscopiques qui sont propices à une inversion? Alors on a donc d'un côté ce modèle simplifié, donc c'est un modèle déterministe qui décrit la dynamique simplifiée du champ magnétique terrestre. De l'autre côté, on a des observations. Alors pour nous, les observations, c'est finalement les fluctuations de l'intensité du champ magnétique sur les 2 derniers millions d'années. Qui est pris sur des enregistrements sédimentaux? Alors, on a effectivement des enregistrements. Donc, ces roches peuvent être effectivement sédimentaires, elles peuvent être aussi volcaniques. Donc, on prend cet enregistrement qu'on connaît quand même assez bien pendant les deux derniers millions d'années et on biberonne, si vous voulez, notre modèle dynamique avec ça pour l'entraîner. Et donc, on met en place ce qu'on appelle une méthode d'assimilation de données. On cale les simulations, on les intègre sur le temps pendant lequel on dispose, donc sur les deux derniers millions d'années. Et typiquement, sur ces deux derniers millions d'années, est-ce qu'il y a eu des inversions qui coïncident avec des traces dans les carottages, par exemple ? Donc si on s'intéresse donc aux observations, effectivement, on a 6 épisodes d'inversion sur les deux derniers millions d'années. La dernière inversion, il faut le savoir, elle a eu lieu il y a 780 000 ans, à peu près. Donc nous, on a cette source d'information d'intensité du champ. On la donne à notre petit modèle simplifié. On regarde si il est capable de dire 4000 ans avant, par exemple, une des inversions du passé, si effectivement il va se produire une inversion. Bon, la réponse est oui. Donc vous voyez, cette figure-ci représente l'intensité normalisée, la polarité, enfin l'intensité du dipôle signé en fonction du temps pendant les deux derniers millions d'années. Donc on voit la courbe bleue, la courbe de référence, et la courbe des données, les données qui sont donc assemblées à l'aide d'enregistrements volcaniques et sédimentaires. Donc on voit un champ qui fluctue, on voit de temps à autre des inversions. Je vous ai dit qu'il y avait eu 6 changements de signe du dipôle sur les deux derniers millions d'années. Ce qu'on a fait en pratique, c'est que pendant 1 million d'années, donc entre 2 et 1 million d'années dans le passé, on a alimenté notre modèle dynamique avec donc, les données paléo-intensité signées et on a utilisé donc, ce million d'années pour définir le seuil de lancement d'alerte. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié pendant le dernier million d'années que ce seuil avait été correctement défini entre moins 2 et moins 1 million d'années dans le passé. Et l'apport de notre petit modèle là à 3 degrés de liberté, c'est qu'une fois qu'on l'a bien entraîné, il déclenche des alertes qui sont représentées en rouge là sur mon diagramme. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois finalement qu'une inversion se produit, on est capable de déclencher une alerte appropriée. Donc on a une méthode qui a suffisamment été bien calibrée pour avoir un certain pouvoir prédictif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met en place notre technique et qu'on regarde si notre technique est capable de dire une inversion va se produire dans les 4000 prochaines années, on a un succès. D'accord ? Donc on déclenche une alerte inversion, si vous voulez. À côté de ça, quand il y a des excursions, ce qui est intéressant aussi avec cette petite méthode simplifiée, c'est qu'on ne déclenche pas d'alerte. Donc ce qui est intéressant, c'est que si on met de côté ce petit modèle dynamique simplifié et qu'on dit, c'est pas grave, je vais juste me donner un seuil pour déclencher une alerte, c'est-à-dire que je vais me dire que si l'intensité du champ magnétique baisse en dessous d'un certain seuil, alors je vais déclencher une alerte inversion puisque l'enregistrement prouve que à chaque fois que le champ s'inverse, on passe sous une faible intensité. Donc si on oublie complètement ce modèle dynamique et qu'on conçoit une approche complètement statistique, on voit qu'en appliquant cette méthode-là sur les deux derniers millions d'années, on rate 2 inversions. Donc ça veut dire que notre petit modèle à 3 variables, il est quand même un peu supérieur et il a un pouvoir prédictif un peu plus fort qu'une stratégie purement statistique. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire, ok, très bien, que va-t-il se passer pendant les 4000 prochaines années? Puisque finalement, on vient de regarder les deux derniers millions d'années, on voit qu'on a une petite stratégie, certes grossière, mais utile pour dire qu'il est possible qu'une inversion ait lieu dans les 4000 prochaines années. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on ne déclenche pas d'alerte. D'accord ? Donc on prend notre petit modèle qui sait quand même faire le job de dire qu'il va y avoir une inversion sur les deux derniers millions d'années. Ce petit modèle, quand on l'amène au temps présent, qu'on l'a nourri de toutes les informations dont on disposait sur l'intensité du champ magnétique, il ne déclenche pas d'alerte. Donc la réponse à la question « les conditions sont-elles réunies ?» pour qu'une inversion ait lieu dans les 4000 prochaines années, sur la base de ce travail, attention, entendons-nous bien, sur la base de ce travail, la réponse est non. Maintenant, il est évident que si on disposait de plus de données sur les inversions récentes, on serait bien plus content. Donc si les collègues paléomagnéticiens pouvaient compléter la série actuelle, donc qui couvre les deux derniers millions d'années, pour aller jusqu'à, allez, soyons fous, les 5 derniers millions d'années, ça nous donnerait d'autant plus de contraintes sur nos modèles physiques simplifiés et donc ça nous donnerait d'autant plus de confiance dans la qualité de la prévision qu'on peut faire basée sur ces observations. crois que le message est clair, Jean-Pierre Vallet, c'est à votre adresse, au boulot maintenant. On y travaille même depuis Il faut monter jusqu'à 5 millions. Oui, c'est l'objectif effectivement d'un programme qu'on a développé avec l'Europe. Et on travaille activement là-dessus en essayant d'associer des données précisément d'intensité qui permettent d'en monter à la variation d'intensité du champ et puis des données de beryllium de façon à faire la correspondance entre les deux indicateurs et avoir une meilleure précision dans ces indicateurs. Étant entendu, je vais vous demander évidemment une réaction sur ce reportage, mais étant entendu qu'il s'agit d'un modèle parmi d'autres modèles, qu'aucun modèle n'est parfait, mais tout ça évidemment jusqu'à preuve du contraire, je dis des généralités, mais Julien Aubert. C'est quand même quelque chose qui est important de souligner, parce que la beauté de ce modèle, c'est de montrer que justement, tout dépend de la distance à laquelle on se place de l'objet. Donc Alexandre a beaucoup parlé de petits modèles avec trois variables, donc ce qu'on avait appelé basse dimensionnalité au début. On voit que ce modèle a des capacités de prédiction qui s'appuient d'ailleurs sur le fait que les inversions ont une structure un petit peu similaire de l'une à l'autre, comme on en a parlé tout à l'heure. Les trois phases, le rebond là que j'avais appelé overshoot. Ça montre que la distance à l'objet est importante, mais évidemment, ça souligne aussi qu'on aimerait bien être un petit peu plus proche de ce qu'on appelle les premiers principes de la physique, c'est-à-dire quelles forces font bouger quel fluide, qui génère quel champ magnétique, et pourquoi est-ce que des forces sont à l'origine d'une inversion. Ça, on n'a pas encore compris. Je pense que VKS, le travail qu'on a évoqué sur les phases von Karman-Sodium, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, von Karman-Sodium. On vous a mis un lien d'ailleurs vers cette expérience sur les fils Twitter de l'émission. le travail qui a été souligné sur le déroulement des inversions, les systèmes de basse dimensionnalité tels que celui qu'Alex a mis en place, le travail fantastique qui a été fait sur l'assimilation de données, comme il l'a précisé, il faut l'assimilation de données qui est l'intégration de données dans ces modèles afin de pouvoir prédire le futur et révéler le caché finalement. On peut noter d'ailleurs que la météo a commencé comme ça, avec des systèmes de basse dimensionnalité dans les années 60 et les balbutiements de l'assimilation de données. Donc, sur des effets papillons, pareil. Sur des effets papillons. De donc, toutes ces choses-là, finalement, on place nos pas dans ceux d'illustres prédécesseurs. Et même si donc on aimerait bien comprendre un petit peu quelles sont les forces, comment elles agissent et pourquoi il y a une inversion, c'est un sujet de recherche, il y a des projets de recherche qui se développent là-dessus actuellement. Le guidage qu'on a de ces résultats observationnels, expérimentaux et puis de cette inspiration qu'on tire des travaux de nos prédécesseurs est quand même assez précieux. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous évoquiez avec vous dans les dernières minutes qui nous restent avant la fin de cette émission, c'est les liens qui ont été inférés. Alors évidemment, ce ne sont des liens qu'inférés, mais ce sont des liens tout de même assez intéressants entre la correspondance des renversements ou des retournements de polarité précédente et des épisodes que l'on connaît de paléontologie ou en tout cas d'histoire de la géographie ou de la géologie terrestre. Plusieurs modèles sont proposés, ou plusieurs en tout cas corrélations sont proposées, notamment une aux alentours de 542 millions d'années, c'est-à-dire ce qu'on a d'ailleurs, qu'on avait traité ici, qu'on appelle l'explosion du Cambrien, c'est-à-dire une extrême diversification de la faune et de la flore après l'une des extinctions massives. Et une autre théorie, alors je vais peut-être vous faire commencer sur celle-là, Jean-Pierre Vallet, celle de l'excursion de Lachan et l'extinction de Néandertal. Comment est-ce qu'on peut corréler l'extinction de Néandertal avec une excursion des pôles magnétiques terrestres? Oui, alors effectivement, la dernière inversion connue, parce qu'on pourrait assimiler l'excursion de Lachan à une réelle inversion, dans la mesure où les pôles, effectivement, il y a eu un renversement complet, et puis Lachan a rebasculé, revenu à sa polarité. Donc, ce qui nous avait frappé, c'est avec Hélène Valadas, une collègue archéologue, c'est que cette inversion, à 40 000 ans, coïncide exactement avec l'extinction de Néandertal. Et la durée pendant laquelle le champ était affaibli, grosso modo, avec les erreurs que l'on a évidemment sur la chronologie exacte de cette extinction de Néandertal, mais grosso modo coïncide. Donc on peut parler d'une période de plusieurs milliers d'années pendant laquelle le champ a été très faible et pendant laquelle Néandertal a été fortement affecté. Alors quel scénario pour pouvoir expliquer cette corrélation, si corrélation il y a? Eh bien c'est que à nouveau, on est obligé de se transporter dans la haute atmosphère. Et en raison de cet affaiblissement du champ, lors des, cette fois-ci des grandes éruptions solaires, on va avoir un afflux massif de protons solaires, d'énergie relativement faible. Mais ces protons, encore une fois, vont se combiner avec d'autres atomes dans l'atmosphère, puisqu'ils vont être capables de pénétrer plus profondément dans les couches atmosphériques, et se combiner en formant des radicaux, et certains de ces radicaux vont engendrer du monoxyde d'azote. Et le monoxyde d'azote est effectivement un déplétif de la couche d'ozone. Et qui dit destruction de la couche d'ozone, dit évidemment risque potentiel pour la santé. Parmi les risques potentiels, on a l'habitude effectivement de mettre en avant tout ce qui est exposition au soleil, bien sûr, puisque c'est l'effet le plus direct. Pour vous donner une idée, dans la ville de Punta Arenas au Chili, qui est exposée aux trous d'ozone antarctique à chaque printemps, on peut attraper un coup de soleil en sortant seulement 3 ou 4 minutes. Donc en 3 ou 4 minutes, on a potentiellement un danger réel. Mais il n'y a pas que ça. En fait, probablement le danger le plus important, c'est des problèmes aux yeux, notamment tous les problèmes de cataracte précoce, y compris chez les enfants. Et puis des défenses immunitaires qui sont considérablement affaiblies. Mais alors comment est-ce que ces phénomènes-là auraient touché spécifiquement l'une des espèces humaines, plutôt Néandertal que Sapiens ou que les autres Heidelbergensis? Ce qui se passe, c'est ce fameux monoxyde d'azote qui va nous détruire la couche d'ozone à une durée de vie qui dépend de son exposition au soleil. Il se trouve que si il est à des latitudes basses, eh bien sa durée de vie sera trop courte pour pouvoir détruire suffisamment d'ozone. Autrement dit, les zones les plus affectées par la destruction de l'ozone seront les zones, de l'hémisphère à moyenne et haute latitude. Et donc particulièrement le territoire sur lequel se trouvait Néandertal. C'est-à-dire ici, l'Europe du Nord. En Europe du Nord, l'Espagne. Absolument. Alors, à l'époque, peut-être l'homme moderne était-il déjà là, peut-être ne l'était-il pas. En fait, on n'a pas la preuve absolue quand même, même si la tendance est de considérer que l'homme moderne était déjà là. On ne peut pas exclure le fait que même si l'homme moderne a été affecté, d'abord, l'homme moderne avait la peau noire. Il ne faut pas l'oublier. Sapiens avait la peau noire. Et donc, même si l'homme moderne a été affecté, quelles traces peut-on en avoir? C'est pas évident. Et d'autre part, les réserves en homme moderne africaine, parce que l'homme moderne migrait depuis l'Afrique, était probablement largement suffisante pour pouvoir compenser un effet délétère qui serait produit à son égard. C'est-à-dire qu'il se serait suffisamment répandu à la surface de la planète, et notamment dans la zone équatoriale, pour être protégé. Voilà, c'est une hypothèse. Non, mais l'homme moderne, lui, montait de la zone équatoriale pour atteindre l'Europe. Donc ça expliquerait pourquoi... Voilà. Effectivement, c'est une hypothèse. Elle est pas vraiment achetée par les archéologues, mais je trouve que la coïncidence entre les deux phénomènes est frappante et on peut difficilement en faire l'économie, à mon avis. Ça veut pas pour autant dire qu'on a l'explication. Et il y a eu d'autres hypothèses, notamment, je parlais de l'explosion du Cambrien. On aura l'occasion d'y revenir dans une autre émission. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous raconter ces histoires de pôles magnétiques de la planète. Merci Jean-Pierre Vallet. Merci Julien Aubert. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Sarah Hichemont, Céline Lozen, Eve Etienne, Alexandra Longuet à la réalisation et aujourd'hui Bruno Gagnère-Fontani à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture dans un instant, c'est le deuxième épisode de la série documentaire de la semaine de Pauline Maucor et Diffy Mariani. Engagés volontaires, se battre pour des idées. Tout à l'heure, après le journal de 18h, aux alentours de 18h20, du grain à moudre européenne, le match retour, c'est la question qu'Hervé Gardet posera à ses invités. Pour ce qui nous concerne demain, nous parlerons d'espionnage à l'ère numérique. Est-ce que les nouveaux agents secrets ont troqué le smoking et le martini au shaker par un attirail d'outils connectés dans une pièce remplie de pizza et d'écran d'ordinateur? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire. We'll be right back.